17, 34, activation orale, négation, ne plus. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez... 1. Vous n'alliez pas aux Bermudes autrefois? Et vous répondez... Si, mais nous n'y allons plus. 2. Vous n'alliez pas en Bretagne autrefois? Si, mais nous n'y allons plus. 3. Vous n'habitiez pas à Chartres autrefois? Si, mais nous n'y habitons plus. 4. Vous n'étiez pas à la fac autrefois? Si, mais je n'y suis plus. 5. Vous n'étiez pas à la cité universitaire autrefois? Si, mais je n'y suis plus. 6. Vous ne mangiez pas au resto U autrefois? Si, mais je n'y mange plus. 7. Vous ne descendiez pas au home latin autrefois? Si, mais nous n'y descendons plus.